Tous les matins, j'aime tous les matins, j'aime rien faire dans mon lit. Tous les matins, j'aime tous les matins, j'aime pourquoi pas faire l'amour, oh chérie, darling, oh darling, darling, oh la vie est belle, oh darling, oh darling, oh darling. Car le monde est toujours de toutes les couleurs, c'est l'amour, c'est nos peines, nos joies, c'est la vie. S'il y a toujours quelque chose qui fait peur, tenons-nous encore par la main et aimons la vie. Seul dans mon lit, je marche seul, je marche seul, je marche seul dans la ville et faire oh darling, oh darling, oh darling, comme la nuit était belle, oh darling, oh darling, oh darling. J'attends le train, j'attends le train, j'aime dans ma tête faire le vide. Et dans le train, et dans le train, j'aime regarder par la vitre et faire good morning, good morning, good morning, à tout le monde dans ma tête, oh darling, oh darling. Quelque chose qui fait peur, tenons-nous encore par la main et aimons la vie. Dans la soirée, dans les soirées, j'aime être avec mes amis. Dans les soirées, j'aime être avec mes amis et faire chin chin chin chin chin chin à la tienne, chin chin chin chin chin chin et rester zen et cool. Toutes les couleurs, c'est l'amour, c'est nos peines, nos joies, c'est la vie. S'il y a toujours quelque chose qui fait peur, tenons-nous encore par la main et aimons la vie. Toujours de...